Nous vîmes venir tout vent debout, une frégate d'Angleterre. Mère pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Nous vîmes venir tout vent debout, nous vîmes venir tout vent debout, une frégate d'Angleterre. Mère pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Venez d'Armentières, y'en a jeté. Venez d'Armentières, y'en a jeté. Venez d'Armentières.